Les votes Planète Rap 2014 sur Skyrock. Skyrock. Yeah, yeah, baby. Tout le mois de décembre, t'as voté pour tes artistes préférés. Thank you. Artiste masculin de l'année. Okay. Artiste féminine de l'année. Révélation de l'année. Album de l'année. Right. Titre Skyrock de l'année. Mets le son en fond, la famille. Toute cette semaine, Fred te dévoile les grands gagnants des votes Planète Rap 2014. Okay. Ce soir, découvre quel est l'artiste masculin de l'année. Bienvenue à vous tous et tout d'abord merci, vous avez été plus de 200 000 à voter tout le mois de décembre pour désigner vos artistes de l'année 2014. On va attaquer ce soir avec la catégorie artiste masculin de l'année. Alors qui sera le numéro 1? Tout à l'heure c'est vous qui avez décidé en votant sur le skyrock.fm. Était nominé, et c'était nombreux dans cette catégorie, 15 en tout. Il y avait John Legend, Maska, Drake, Usher, Jeremiah, Trey Songz, Pharrell Williams, Black M, Jul, Soprano, Maître Gims, Eminem, Caris, La Fouine, Soprano je vous l'ai dit, La Crime aussi. Donc qui va être le numéro 1? On va le savoir d'ici quelques minutes. Et puis on attaque par les deux derniers. Numéro 15. Numéro 14. Usher. She came to give it to you. 14e. Quinzième position pour Jeremiah, 14e pour Usher et puis à la 13e position, on l'écoute maintenant, c'est John Legend avec All of Me sur Skyrock. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all imperfections, give your all to me, I'll give my all to you, you're my end and my beginning, even when I lose I'm winning, cause I give you all of me. Perfections, give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me. And you give me all. I give you all of me, and you give me all of you. Mets le son en fond, la famille. Les votes Planète Rap 2014 sur Skyrock. Yeah, yeah. Il est dans la catégorie artiste masculin de l'année. Thank you. Put your hands in the air. C'est Trey Songz à la 12e position. Put your hands in the air. Brother, don't have me. Oh, nana, look what you done started. Oh, nana, why you gotta act so naughty? Oh, nana, I'm about to spend all this cash. Oh, nana, if you keep shaking that. Oh, yeah. Oh, na, na, na. Put your hands in the Put your hands in the air if you're loving tonight. Ooh, na na na. Keep your hands in the air if you're spending the night. Ooh, na na na, ooh, na na na na na na. Everybody say it like. Ooh, na na na, ooh, na na na na na na na. Everybody say it. Baby, I'm the one you like, yeah. I'ma give you what you like, yeah. Oh yeah, I'ma give it to you right, yeah. Best time of your life, yeah. Oh yeah, baby, when you ready, tell her where you get the check. Girl, I know you ready, ain't even got a check. You been through the worst, let me show you the best. You know I'ma get you right, girl. Them boys to the left, like oh na na, look what you done started. Oh na na, why you gotta act so naughty? Nana, I'm about to spend all this cash. Oh, nana, if you keep shaking that. Oh, oh. Oh, nana, nana. Put your hands in the air if you're loving tonight. Oh, nana, nana. Keep your hands in the air if you're spending the night. Oh, nana, nana. Oh, nana, nana, nana, nana. Everybody say it like. Oh, nana, nana. Oh, nana, nana, nana, nana. Everybody say it. It's all about, yeah. Yeah. You the one they never had, yeah. Oh yeah, all the problems you done had, yeah. Leave them broke fellas in the past, yeah. Oh yeah, girl, you had good, but I could give you better. I'll have you thinking about forever. I'm like, say, oh na na, oh. Look what you done started. Look what you done started. Oh na na, oh na na. Why you gotta act so naughty? To spend all this cash. Oh, na na na na. If you keep shaking that. Oh, na na na. Put your hands in the air if you're loving if you're tonight. Oh, na na na. Keep your hands in the air if you're spending the night. Bienvenue dans les voix de Planète Rap, ça va être toute la semaine entre 20 et 21 ce soir. Nous allons savoir avant 21h, avant de retrouver D-Fool, qui est l'artiste masculin de l'année. On a pu écouter la 15e position Jeremiah, 14e Usher, 13e John Legend avec notamment son morceau All of Me. À l'instant, il y avait 13 songs, 12e, et puis à la 11e et 10e position, on retrouve ces artistes. Numéro 11. Drake, il est 11e. Just hold on. Numéro 10. Numéro 10, c'est Maska, la section d'assaut du Watibé. C'est les voix de Planète Rap. Vous avez voté pendant un mois 200 000 votants pour désigner les différentes catégories. Ce soir, artiste masculin de l'année qui sera le numéro 1 à la 9e position. On retrouve celui qui nous avait pourtant bien ambiancé tous les étés, c'est Pharrell Williams avec Happy. Yeah, yeah, baby. Les votes Planète Rap 2014 sur Skyrock. Tout le mois de décembre, t'as voté pour tes artistes préférés. Thank you, thank you. Ce soir, artiste masculin de l'année, numéro 9. Because 20h-21h, les votes Planète Rap 2014 sur Skyrock. Artiste masculin de l'année, numéro 8. Sur un champ de ruines, comme un épouvantail qui éloigne les anges du deal. Mama, je vis pas, je meurs pas. S'il te plaît, prie pour moi, ne pleure pas. Je passe beaucoup de temps sur un grand nombre de petites choses et tu vois que les heures passent. Tu m'as dit reste près de la cour avant de racailler. J'ai tété, fils, où tu vas finir dans un four à détailler de la CC. Moi, je n'ai jamais écouté le prof. Moi, je n'ai jamais fait mes devoirs. Mama, et si la police me coffre, c'est que t'as eu un bébé noir. Et j'ai juré d'être hardcore jusqu'à ma mort. Tu m'as dit petit, tu as tort. Le monde est rempli de choses que tu ignores. Très souvent les armes y sont, mais le tueur n'y est pas. Trop souvent les larmes y sont, mais le cœur n'y est pas. J'ai ma famille, pas d'amis, des ennemis et cette mélodie. Moi j'ai ma famille, pas d'amis dans cette chaîne de vie. Des ennuis, des ennemis et cette mélodie, Mes cicatrices m'ont ouvert l'âme. Je n'ai pas d'attache entre le ciel et les flammes. Mes démons jouent à cache-cache. Si je devais choisir entre tout ce bif et toutes ces bitches, je prendrais le gros chèque. Parce que l'oseille est la plus bonne des schnecks. Et je suis fait d'or noir comme le pétrole. Les lumières de la ville sont mes lucioles. Sur tous les terrains comme le patrol. Peu m'importe tant que je fais le pactole. On s'étiole dans les derniers degrés de l'alcool. Rêvant de Cap Canaveral, de Blanche, de Panama. Avec mes rats dans le Panamera. Et je ne sais faire que le bandit. À des années-lumière de Gandhi. Je suis dans ma sphère, tandis que l'univers grandit. J'écrase tous les remparts. Sombrer ma vérité sans phare. Du rap français, je m'empare. 93 et sur l'étendard. Ma famille, pas d'amis, des ennemis et cette mélodie. Moi je n'ai que ma famille, pas d'amis dans cette chaîne de vie. Des ennuis, des ennemis et cette mélodie, C'est que ma famille, pas d'amis, des ennemis et cette mélodie. Moi je n'ai que ma famille, pas d'amis dans cette chaîne de vie. Des ennuis, des ennemis et cette mélodie, Kara, découvre qui sont les grands gagnants des votes Planète Rap 2014. Ok, ok. Ce soir, artiste masculin de l'année, numéro 7. Feels like a close, it's coming to. Fuck am I gonna do? It's too late to start over. This is the only thing I know. Like all I ever do is find different ways to word the same old song. Ever since I came along from the day the song called How My Name Is dropped, started thinking my name was Falk. Cause anytime things went wrong, I was the one who they would blame it on. The media made media equivalent of a modern day Genghis Khan. Try to argue it was only entertainment, dog. Gangster? Nah, courageous balls. Had to change my style. They said I'm way too soft, and I sound like AZ and Nas. Out came the claws, and the fame's been out since then. But up until the instant that I went against it, it was ingrained in me that I wouldn't amount to a shit stain, I thought. No wonder I had to unlearn everything my brain was taught. Do I really belong in this game, I pondered. I just wanna play my part. Should I make waves or not? So back and forth in my brain, the tug of war wages on. And I don't wanna seem ungrateful or disrespect the art form I was raised upon. But sometimes you gotta take a loss and have people rub it in your face before you get made pissed off. And keep plugging, it's your only outlet and your only outfit. So you know they're gonna talk about it. Better find a way to counter it quick and make it, ah! I feel like I've already said this a kabillion 80 times. How many times can I say the same thing, different ways that rhyme? What I really wanna say is, if there's anyone else that can relate to my story, bet you feel the same way I felt when I was in the same place you were when I was afraid to. Afraid to make a single sound. Afraid I will never find a way out. Afraid I'd never be back. House with tipped our love. Run out of excuses for everyone. coming to fucking mine. Gonna do, it's too late to start over. This is the only thing I know. I was there once, single parents, hate your appearance. Did you struggle to find your place in this world? And the pain spawns all the anger on. But it wasn't until I put the pain in song, learn who to aim it on, that I made a spark. Started to spit hard as shit, learn how to harness it while the reins were off. And there was a lot of bizarre shit, but the crazy part, as soon as I stopped saying I gave up, all haters started to appreciate my art. And it just breaks my heart to look at all the pain I caused. But what am I gonna do when the rage is gone and the lights go out in that trailer park? And the window is closing and there's nowhere else that I can go. It flows and I'm frozen, cause there's no more emotion for me to pull from. Just a bunch of playful songs that I make for fun. So to the break of dawn, here I go recycling the same old song. But I'd rather make not afraid to than make another motherfucking we made you. Now I don't wanna seem indulgent when I discuss my lows and my highs, my demise and my uprise. Pray to God, I just open enough eyes later on. And gave you the supplies and the tools to hopefully use that'll make you strong enough to lift yourself up when you feel like I felt. Cause I can't explain to y'all how dang exhausted my legs felt. Just having to balance my dang self when on eggshells I was made to walk. But thank you, Mark, cause that gave me the strength to cause shady mania. Someone to empty that stadium. At least I made it out of that house and found a place in this world when the day was done. So this is for every kid who all they ever did was dreamt of one day just getting accepted. I represent him or her, anyone similar. You are the reason that I made this song. And everything you're scared to say, don't be afraid to say no more. From this day forward, just let the mayhos talk. Take it with a grain of salt. And eat the fucking bases off. The legend of the angry blonde lives on through you when I'm gone. And the thing I was afraid to make a single sound. Afraid I will never find a way out. Afraid I'll never be back. Les votes Planète Rap, ils étaient 15 au départ dans cette catégorie, catégorie artiste masculin de l'année. Ce ne sera pas Caris qu'on écoute à la 8ème position, ni Eminem qu'on écoute à l'instant avec Guts Over Fear aux côtés de Sia, 7ème position pour Eminem. On va attaquer les 6 premiers d'ici quelques minutes. Qui sera numéro 1? C'est que des artistes français, tiens, parmi les 6 premiers qui arrivent. Alors est-ce que ce sera Lacrim, Jul, Black M, Soprano, Maître Gims, La Fouine? Qui sera l'artiste masculin de l'année? Vous avez voté 200 000 participants pour les votes Planète Rap. Merci à vous tous. Continuez d'ailleurs à hashtaguer avec le vote Planète Rap 2014. Envoyez des messages. Dites-nous un petit peu ce que vous pensez d'ailleurs aussi de ces résultats de vote. C'est tous les soirs entre 20h et 21h. Et dans un instant, la 6ème position. Il sera pas numéro 1 cette année. En même temps, l'actu est un peu plus réduite pour Gims. Mais il revient en forme 2015, il sera en tournée avec Skyrock, bientôt des places à choper, 6ème, on l'écoute après ça. Les votes Planète Rap 2014 sur Skyrock. Skyrock. Yeah, yeah, baby. Tout le mois de décembre, t'as voté pour tes artistes préférés. Thank you. Découvre qui sont les grands gagnants des votes Planète Rap 2014. Planète Rap 2014. Ok, Skyrock. Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Stop, repense à tes mômes, de quoi tu me parles? Mâche un peu tes mots, t'es parano, manipulé par un autre. Quitte l'espoir, que le monde est noir, mais trop tard. Perdu dans un brouillard, t'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Ta raison se déchire, tu défies tes désirs. Laisse-toi tomber, retire ces chaînes qui te freinent, qui te freinent. Baby!

Avant que nos cœurs explosent, on se fait du mal. Faudrait qu'on passe à autre chose. On se fait du mal. On se fait du mal. On se fait du mal. On se fait du mal. On se fait du mal. On se fait du mal. On se fait du mal. Skyrock. Yeah. On se fait du mal. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez tout. Arrêtez. Arrêtez. On se fait du mal. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez tout. Arrêtez. Arrêtez. On se fait du mal. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez. On se fait du mal. Numéro 1 donc aujourd'hui et cette année pour Black M. Il a tout raflé Black M, votre planète rap catégorie artiste masculin de l'année. C'est vous qui avez voté pour Black M. Demain c'est artiste féminine de l'année. Je vous fais le rencard un petit peu avant 20h, juste avant de retrouver la radio libre de Difool. Et là on fait tourner la roulette. Skyrock t'offre une Citroën C1 d'une valeur de 10 000 euros, des fringues Watibé, plus l'intégrale du Watibé en CD. Avec Clémence du Portel, ça va bien Clémence? Ça va bien, toi, Nicolas? Bienvenue dans ce Planète Rap spécial, votre Planète Rap. On salue tous ceux qui rigolent derrière. Je sais pas, il y a la famille, il y a tout le monde. Toutous. Ah, c'est les toutous? Oui, c'est les toutous. Je croyais que c'était quelqu'un de la famille, mais en même temps, c'est presque ça, hein, les toutous, ils font partie de la famille. Bah voilà, tout à fait. Alors, fais-nous un beau stop, tiens, pour réveiller tout le monde. Ok. Stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, Clémence, c'est... Et ben voilà, intégrale Watibé, ça y est, c'est fait, c'est pour génial. Toi. Et attends, je prends ta petite fiche, rencard le 5 janvier chez Difool, avec toute l'équipe du morning de Difool de retour de vacances en pleine forme. Ok. Tirage au sort pour peut-être choper la C1. Vas-y, on t'écoute. Alors, je fais un gros bisou à ma petite Lolo qui m'écoute et à Angèle et Loïc. Je te fais des bisous aussi, bonne soirée Clémence. Salut, merci. On se retrouve demain entre 20 et 21 artistes féminines de l'année. Merci à tous pour vos votes et dans un instant Difool. Depuis la rentrée, le morning de Difool t'a offert.